scientifiques actuels dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, l'émission de Paul Sarrèche, Le Progrès et la Vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Annie Douel. Aujourd'hui, 1969, première émission. Succéder à 1968, ça ne devait pas être facile pour une année qui, sinon, aurait pu clore paisiblement la décennie. Quoi de neuf en 1969, devait-on dire, 1968 ? Oui, l'année 1968 occupait encore tous les esprits. On pourrait presque dire qu'elle a duré 24 mois, cette année 1968. Mais non, ce serait nier cette très belle année 1969 où, oui, enfin, ils allaient marcher sur la Lune. On n'y croyait plus. Ils vont marcher sur la Lune. Ils vont célébrer la paix, l'amour et la musique à Woodstock. Ils vont définir à l'envi les termes érotisme, sensualité, pornographie. Ils vont aussi se rendre au théâtre ce soir. Ils vont voler pour la première fois en Concorde. Ils vont voter. Ils vont applaudir au cinéma, à la défaite de certains méchants et à la victoire d'un petit juge aux lunettes noires, ça se passe en Grèce, et la musique est signée Mikis Theodorakis. Ils vont élire un nouveau président de la République en France, ils vont acheter par centaines de milliers les mémoires d'un ancien bagnard, ils vont aussi jouer au Schmilblick, etc., etc. L'année 1969 sera bien remplie, et pas seulement parce qu'ils vont marcher sur la Lune. Mais la Lune, ce ne sera qu'en juillet, et nous sommes début janvier 1969. Une élection d'importance s'est déroulée en France. L'élu E, est l'invité et E de Jacques Chancel. Radioscopie. Radioscopie, Jacques Chancel. Miss France. Miss France, vous succédez dans cette émission à des personnalités fort connues et heureusement installées dans le sérieux de leur gloire. Vous venez après des écrivains comme Hervé Bazin, Roger Perfitte, Bernard Clavel, François Nourricier, Romain Gary, Lucien Baudard, un avocat, Maître René Floriot, des femmes célèbres, Françoise Rosay, Hélène Rochas, Michel Morgan, Annie Girardot, à présent encore Fernand Pouillon, l'architecte, Maître Maurice Reims, le commissaire-priseur. Permettez-moi d'interrompre le générique. Alors, pourquoi Miss France ? Simplement parce que vous êtes un cas. Précisément parce que les concours de beauté sont entrés dans les mœurs et surtout parce que ces distributions de lauriers agacent, étonnent, amusent. Une chose est vraie, Miss France existe. Toute la presse a publié votre photo, vous êtes ravissante bien entendu, et vous avez 18 ans. Autrefois, à cet âge-là, les jeunes filles se cachaient encore dans les jupons de leur mère. Vous ne le pensez pas ? Si. Alors, Cette révélation pour vous est importante? Oh oui, elle est très très importante pour moi. Bon, Suzanne Angly, vous êtes d'abord très timide, mais il faut abandonner ce côté timide. Vous êtes brune, aux yeux verts, je ne me trompe pas. Vous avez été sacrée Miss France le 31 décembre à Bordeaux. On a déjà dû vous demander, et souvent, êtes-vous contente? Cette question n'entre pas, mais pas du tout, dans le jeu de radioscopie. En revanche, j'aimerais que vous me répondiez très franchement à ceci. Quel est le démon qui pousse une jeune fille à participer à un concours de beauté? C'est-à-dire que je ne peux pas dire que c'est un démon, mais ce sont mes parents qui étaient vraiment à ce que je me présente à l'élection de Miss Alsace d'abord, et ensuite à l'élection de Miss France. Donc ce sont vos parents qui vous ont poussé? Oui. Miss France, vous êtes la cadette d'une famille de 5 enfants, vous êtes assistante dentaire à Mulhouse, c'est déjà un bon point ça. Votre titre fait-il aujourd'hui bon ménage avec votre profession? C'est-à-dire que cette année, je ne pourrai pas continuer mon travail, mais je compte le reprendre l'année prochaine. Sérieusement? Oui. Pensez-vous que le titre de Miss France corresponde à quelque chose de sérieux? Déjà, le sourire est joli, alors. C'est-à-dire que... Je laisse le silence, hein, parce que c'est une question très importante et j'aimerais que vous y répondiez très franchement. C'est sérieux pour vous? Pour moi, c'est important. C'est important pour moi, oui. Vous êtes ravissante, mais vous ne pensez pas qu'il y a en France d'autres jeunes filles tout aussi ravissantes? Des jeunes filles peut-être qui n'ont pas le courage de se présenter, bien sûr. Alors c'est le concours de Miss France qu'il faudrait revoir? Ben non, je pense pas, parce que là, elles ont quand même, ces jeunes filles, elles ont quand même eu l'occasion de se présenter, étant donné que dans toute la France, nous faisons les élections régionales. Et vous pensez que toutes les jeunes filles de France sont tentées par le concours? Je pense, oui. Bon, de toute manière, c'est un point que nous éclaircirons tout à l'heure. On m'assure aujourd'hui que le concours de Miss France est le prolongement du fameux jeu de Belmar, la tête et les jambes. On vous pose des questions avant, pour vous permettre de briller après. C'est vrai, ça? Oh. Est-ce qu'on vous pose des questions? Quel est le genre de questions que l'on vous pose? Enfin, d'habitude, les questions, ce sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que on demande toujours mon âge, ma profession. Est-ce qu'on vous pose des cols, ce qui est important? Par exemple, des réflexions de gens célèbres en vous demandant qui est-ce? Non. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas un bagage intellectuel? Non, non, pas du tout. Ce titre de Miss France que vous avez bien, est-ce qu'il vous a donné quelques vanités? Non, je pense pas. Donnons-nous un petit temps de respiration. Profitons-en pour suivre l'extrait d'une émission de télévision, pieusement conservée par Lina, Tous en scène. C'est tourné sous un chapiteau de cirque. Le chanteur est tout barbu et il affronte le public des gradins, chanson d'époque. Et maintenant, voici Léo Ferré. Paris en crêpe de Chine, comme un chagrin d'asphalte, et tes trottoirs vaincus par la téléfaction, la foule qui va boire à la prochaine halte. Je m'arrête toujours pour voir passer les cons à Paris. Je ne t'aime plus, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus. Les guitares à Paris ne sont plus espagnoles, elles jouent le flamenjerk branché sur le secteur. Comment veux-tu, petit, danser la carmagnole si t'as rien dans les mains, si t'as rien dans le cœur à Paris? Je ne t'aime plus, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus. Entends le bruit que font les Français à genoux, paysans qui sont pliés, 10 ans de servitude, et quand on vit par terre, on prend des habitudes. Quand ils se lèveront, nous resterons chez nous à Paris. Je ne t'aime plus, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus. Paris du 1er mai, avec ses pèleries et le beau syndicat qui reste à la maison, ce sont les Marx Brothers, oubliés par Lénine en 1917, place de la Nation à Paris. Je ne t'aime plus, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus. Paris en manteau noir, habillé par Descartes, à perdre son latin, on met tout un quartier. Paris de la Sorbonne, qu'ils ont pris pour un claque, un étudiant en carte, ça doit se visiter à Paris. Je ne t'aime plus, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus. Paris des beaux enfants, en aller dans la nuit. Paris du 22 mars et de la délivrance. Oh, Paris de Nanterre, Paris de Cohn-Bendit, Paris qui s'est levé avec l'intelligence à Paris. Quand tu es debout, quand tu es debout, moi je t'aime encore. Suzanne, vous étiez Miss Alsace-Lorraine avant d'être Miss France, et lorsque vous avez concouru pour cette fameuse couronne, vous avez répondu à un psychotest. J'ai vos réponses. Alors, je vais vous reposer les questions pour voir si vous répondez de la même manière. Quel est le nom du maire de Bordeaux? Je rappelle que tout se passait à Bordeaux et qui est en même temps président de l'Assemblée nationale. C'est Monsieur Jacques Chaban-Delmas. Un bon point. Quel est le nom du président de la République? C'est le président général de Gaulle. Parfait. Vous reconnaissez-vous quelques petits défauts physiques? Oh oui, j'ai tendance à avoir un double menton et également être crispée en défilant. En défilant, pourquoi vous me parlez de défilé? Ah, c'est vrai, vous êtes majorette. Enfin, c'est pas dans le groupe des majorettes, mais quand je défile en compagnie des Miss. Vous ne vous sentez pas bien, là? Enfin, c'est-à-dire qu'au début, surtout, j'avais tendance à être crispée, mais ça s'arrange. Mais avec le sourire, tout devrait s'arranger. Oui, oui, hein. Oui. D'accord. Bon, alors, également dans ce psychotest, il y avait une phrase. Une seule concurrente sera désignée. Si vous n'êtes pas celle-là, quelle sera votre réaction? C'est-à-dire que pour l'élu, je l'aurais souhaité. Si ce n'avait pas été moi, au contraire, j'aurais été contente pour elle. Vous n'êtes pas du tout jalouse, pas du tout envieuse? Non, absolument pas. Je vous ai demandé tout à l'heure quel était votre défaut le plus criard, mais vous m'avez parlé d'un défaut physique. Est-ce que vous avez des défauts moraux? Ça, je ne sais pas. Vous êtes fidèle à l'amitié? Oui. Un amour, à 18 ans, c'est difficile. Non. Ah, vous ne l'êtes pas, un amour. C'est parfait. Non, mais ça, c'est de la franchise. Quelle est votre grande qualité? Vous en avez beaucoup, sans doute. La première étant d'ailleurs la discrétion, on s'en aperçoit depuis le début de l'émission. En 1969, on parle beaucoup d'érotisme, de censure, d'aliénation et de liberté sexuelle. Ainsi, au micro de Madame Inter, en ce 17 janvier. « Parlons un peu justement de la liberté sexuelle sur un plan social. Avez-vous l'impression que, en fonction du milieu dans lequel vous vivez, vous avez des réactions différentes? Roland. Alors moi j'habite le 16e. Ah bon? Et il me semble que, enfin pour moi, j'ai pas eu l'impression que ce soit tellement différent que pour les autres. Enfin, quand j'ai discuté avec mes amis ou amis ES, il me semble que les problèmes étaient à peu près les mêmes pour tout le monde. Je crois que c'est beaucoup plus un problème de religion, ou alors peut-être un problème d'habiter Paris ou la province. Et pendant la province, c'est beaucoup plus feutré, on parle beaucoup moins de tout ça, et c'est beaucoup moins sain, c'est beaucoup plus hypocrite, enfin il me semble. Marc. Moi j'ai l'impression que le degré d'aisance des parents n'a absolument aucune relation avec la conception de liberté sexuelle qu'ils se font. Je crois qu'il s'agit beaucoup plus d'une... qu'on est beaucoup plus influencé par le cadre psychique de ses parents que par leur niveau de vie. Il y a un problème important dans la liberté sexuelle, c'est le problème moral, pourrions-nous dire. Tout à l'heure, nous avons essayé de faire un peu le point, de savoir où vous en étiez au point de vue pudeur, ce que vous pensiez de la liberté sexuelle en général, votre comportement devant les garçons. Je voudrais savoir si vous vous sentez retenu, quelquefois, vous les filles notamment, et les garçons aussi bien sûr, par un problème moral, par la religion qu'on vous a inculquée, ou bien par le désir d'être quelqu'un de bien, et ce quelqu'un de bien étant avant tout quelqu'un de sérieux. Françoise. Je ne veux pas être un objet, justement. Et je pense que je ne veux pas non plus me dégoûter moi-même sur si maintenant, attendez, il n'y a plus le problème de conception, etc. Donc il n'y a aucun problème, si je vais avec n'importe qui, dans quelques années, qu'est-ce que je serai alors? Plus rien. Il me semble que... On doit avant tout quand même faire preuve. On doit avoir des sentiments, on doit éprouver des sentiments. Sans ça, si à notre âge on éprouve aucun sentiment, c'est abominable à ce moment-là. On ne sait pas ce qu'on deviendra dans 10 ou 20 ans. Oui. C'est absolument pas parce que la liberté sexuelle maintenant est presque admise. Est presque admise qu'on ne doit plus avoir de sentiments et se donner comme ça à n'importe qui. Il me semble que ça s'est exclu. Je crois que ce qui me gêne un peu avec ce problème de liberté sexuelle, c'est que. Liberté sexuelle va devenir synonyme d'excès. Et ça me fait penser un peu à, dans le temps, les Romains, vous savez, qui mangeaient énormément et qui se faisaient vomir après pour pouvoir recommencer. Alors, sous prétexte qu'on est libre maintenant, qu'on a les moyens de pouvoir faire l'amour sans avoir des enfants, on va exagérer. Et je trouve ça lamentable. Et c'est ça le véritable problème moral. C'est, il ne faut jamais aller dans l'excès. Catherine, 15 ans. Moi, je crois que, bien sûr, les jeunes filles de 15 ans maintenant se sentent beaucoup plus libres parce qu'elles sont peut-être un peu inconscientes, mais quand même, il y a la timidité, il y a les retenues, malgré soi, qui existent. Roland. Jusqu'à maintenant, vous avez interrogé les filles à ce sujet. Oui, et les garçons. Il me semble que pour les garçons, le problème se pose aussi. Mais alors, à mon avis, ce n'est pas du tout une question de principe religieux. Je ne crois pas que ça joue tellement pour les garçons. Je crois surtout que c'est en fonction de l'autre, de la fille qu'on a en face de soi, parce que si on est un peu habile, on peut toujours l'amener à ce qu'on veut. Mais il me semble que le problème, c'est de savoir si on veut l'y amener alors qu'on sait que consciemment elle ne veut pas, ou si l'on ne veut pas. Oui, alors c'est là, c'est la responsabilité qui entre en jeu. Oui. C'est ça. Oui, à mon avis, oui. Tout à l'heure, je disais que les filles attachaient une très grande importance à leur virginité, ou tout au moins que c'était... Le problème de la virginité, c'était le problème de l'importance que les filles y attachaient. À mon avis, si on est avec une fille vierge, si on sait que consciemment elle ne veut pas perdre sa virginité, ça pose quand même un problème moral pour le garçon qui veut l'amener à la perdre. Oui. À mon avis, pour nous, c'est là le problème moral. Marc ? Je suis toujours désolé de voir qu'on attache au mot moral la morale chrétienne et sociale du 19e siècle. Et même, je dirais même, la morale bourgeoise. En fait, la morale, c'est une idée qu'on se fait des rapports avec les autres, et c'est une espèce de donnée personnelle. On peut très bien avoir comme morale, par exemple, d'être immoral au sens où on entend la morale banale. Je crois que nous avons notre morale sans nous en rendre compte, et voilà. Ce qu'il faut simplement, c'est avoir une morale personnelle, et ne pas qu'on vous impose une morale par des pressions de l'extérieur. L'érotisme en cette année 1969 est partout, dans la presse, à la radio, dans les conversations et bien sûr au cinéma. Le débat n'est pas nouveau. L'émission de France Culture, Connaître le cinéma, réunit autour de Philippe Hainaut, Nelly Kaplan, elle vient de tourner La fiancée du pirate, José Benazeraf, réalisateur de films érotiques, Charles Ford, historien du cinéma, Pierre Goursat, président de l'Office catholique du cinéma, et Raymond Barcan, critique, pour évoquer ce qu'on appelle alors un déferlement d'érotisme au cinéma. Extrait, Nelly Kaplan. D'abord, je trouve que quand on parle de déferlement de l'érotisme sur les écrans, c'est absolument absurde. Ce qu'il y a, c'est qu'on vit actuellement dans une époque où tout est exacerbé, l'érotisme avec. Pourquoi on donne à cette exacerbation de l'érotisme un côté plus péjoratif qu'à à l'exacerbation du rythme de vie ou des sensations qu'on recherche dans tous les domaines? Ça me paraît que on cherche cette petite bête à l'érotisme parce que c'est les sujets tabous, parce qu'on essaye toujours d'écraser notre liberté. Quelle définition vous donneriez des termes sensualité, érotisme et pornographie que souvent les gens confondent? Il y a des écrivains comme Bataille qui ont dit que l'érotisme était l'acceptation de la vie jusque dans la mort. Ça me paraît une définition excellente. Je prendrais aussi Rimbaud qui avait dit que c'est en général qu'il faut chercher les dérèglements raisonnés de tous les sens. Quelle est la différence entre érotisme et pornographie? Je pense que la pornographie a des limites que l'érotisme ne connaît pas et ne doit pas connaître. Oui, Charles Ford. Et moi, je crois que Nelly Kaplan n'a pas tout à fait raison quand elle dit qu'on écrase ainsi la liberté. Parce que je crois qu'en ce moment, il y a une telle liberté de mœurs que les gens n'ont plus besoin d'aller chercher au cinéma des sensations qu'ils ne peuvent pas avoir à domicile ou ailleurs. Aujourd'hui, on peut pratiquement tout faire dans la vie. Et moi, je regrette infiniment qu'au cinéma, justement, il n'y ait plus maintenant de différence entre l'érotisme et la pornographie et le nu. Quand on voit maintenant une femme nue sur un écran, on dit que c'est un film érotique. Ce n'est pas vrai, ça n'a rien à voir avec l'érotisme. Et ce que je regrette encore plus, c'est que les cinéastes d'aujourd'hui ont oublié ce précepte qui était idéal pour un homme comme Jacques Feder, qui a dit qu'au cinéma, il vaut beaucoup mieux suggérer que montrer. Il est indiscutable qu'une femme un peu déshabillée est certainement plus excitante qu'une femme nue. Mais ce sont des choses qu'aujourd'hui on oublie totalement et je me demande bien pourquoi, si ce n'est pour des raisons purement commerciales. Oui, M. Benazeraf a l'air de réagir. Je ne réagis pas, je trouve que c'est un raisonnement de quinquagénaire. Ça ne me surprend pas. Vous êtes gentil avec moi. Ça ne me surprend pas du tout. Je trouve qu'on a dit énormément de contre-vérités, vous en particulier. Quand vous dites que l'érotisme est en dehors, ce n'est pas vrai. Il y a en ce moment une fabuleuse libération des mœurs. Vous n'avez qu'à parler dans les lycées, vous n'avez qu'à parler chez les adolescents. Ils ont une libération par rapport à la chose de l'amour qui est fascinante, qui est absolument complètement démystifiée. Et je trouve que l'érotisme au cinéma, c'est un érotisme de petits garçons, tout au moins en ce qui concerne le cinéma français. Maintenant, savoir si une femme nue est moins érotique qu'une femme avec des guêpières, des barésies, tout ça, Monsieur Ford, je vous laisserai le soin d'analyser ça. Pour moi, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, c'est des broutilles de critiques, ça. Ce qui m'importe, si vous voulez, c'est dire ceci. Hegel disait, par exemple, puisque je crois que Nelly Kaplan affectionne beaucoup les citations, Hegel disait, la politique, c'est la bonne santé des peuples. Moi, je dirais que l'érotisme, c'est la bonne santé des peuples. Un homme ne peut être érotique que s'il a un fabuleux contrôle de lui-même. Regardez toutes les populations extrêmes orientales. L'érotisme, pour eux, c'est un contrôle de l'épiderme, un contrôle de la réaction musculaire qui fait qu'une étreinte peut durer des heures. Et si vous voulez, ce sont des amants au sens philosophique du terme. Et c'est pour ça que j'ai l'impression d'un absurde infini. Il y a en ce moment un fabuleux décalage entre la vie, entre la libération des mœurs. Et elle n'est absolument pas redoutable parce qu'elle démystifie, elle défruste. Et le cinéma qui en est encore vraiment à ses balbutiements sur le plan érotique. Il y a un décalage, mais dans le sens de la vie. Et en plus, vous disiez qu'il était extérieur. Il est à l'intérieur. Il n'y a pas de déferlement, il y a correspondance. Qui ose parler de déferlement, c'est comme on dit aujourd'hui, les syndicats déferlent. C'est pas vrai. Nier l'érotisme, c'est aussi bien nier, si vous voulez, la socialisation de l'État. De la même façon, il y a inéluctablement libération, avec le mauvais goût d'un côté, avec les excès de l'autre, et avec l'art enfin. comprenez, baladez-vous en Malaisie, baladez-vous aux Indes, promenez-vous au Japon et vous verrez la permanence de l'érotisme. Et quel érotisme ! Mais vous ne pensez pas que cela se fait aussi avec des crises et des contradictions ? Je pense, Philippe Hénaud, qu'il y a une première chose à dire, parce que M. Benazir a fait un peu méchant, je vais un tout petit peu l'être, n'est-ce pas ? Dites-moi. J'aurais souhaité, n'est-ce pas, que sur le plan, si vous voulez, de l'art cinématographique, ce que j'appellerais le fait de transcender l'érotisme, parce qu'il n'y a pas d'érotisme valable s'il n'est pas transcendé par la qualité artistique, j'aurais voulu que les films de M. Benazirov que j'ai vus, je ne les ai pas tous vus, justement, soient à la mesure de son apologie de l'érotisme. Et je n'en ai pas toujours eu le sentiment, vous comprenez. J'ai trouvé dans ces films, parfois, des scènes, je le dirais, j'ose le dire devant ce micro, un petit peu complaisantes. Mais complaisante par rapport à quoi ? Vous n'avez par rapport à ce que vient voir ce qu'il y a de moins recommandable dans le public. Non, mais actuellement, vous êtes en train de faire une critique cinématographique quand on est en train de faire une étude sociologique ou éthique. Bah, vous savez, n'est-ce pas, faire de l'éthique en un quart d'heure devant le micro, c'est compliqué, à moins d'être Edgar Morin. Hein. Moi, je suis pour la société de tolérance, mais j'éprouve une sorte de vertige devant le déferlement d'érotisme à l'écran. J'ai dénombré en 15 jours 53 paires de seins accompagnées ou non de postérieurs correspondants ou inversement, 44 nombrils, sans compter les orteils érotiques. Il y a aussi la scène d'étreinte avec panoramique de bas en haut, également inversement, inaugurée par Jean-Luc Godard dans La femme mariée, reprise par Alain Resnais dans La guerre est finie, et qui est devenue une sorte de clause de style obligatoire à la fois des films du jeune cinéma et du cinéma de papa. Eh bien, en sortant de la salle, je jette mon regard avec volupté sur la mode des manteaux New Look qui ne me laisse apercevoir des filles que le bout du pied. Sous le manteau long, il y a une mini-jupe, hein ? Je vous dirais qu'il y a un érotisme que j'appellerais noble et qui est à l'opposé. Eh bien, j'ai absolument admiré un film comme Mort de Barbet Schroeder, qui est un film érotique, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que voir comme dans ce film le sexe d'un monsieur et d'une dame nous choque si peu et on s'y habitue si facilement qu'on se demande comment l'Église a pu nous ennuyer pendant 2000 ans à ce sujet. D'ailleurs, il me semble proprement aberrant et même immoral qu'à l'époque où l'homme débarque dans la Lune, on considère encore comme attentatoire à la pudeur de montrer sur l'écran les parties naturelles de l'homme. Et sur ce, je suis même pas contre, dans une certaine mesure, contre ce qu'on appelle la pornographie. Il faudrait quand même dire exactement ce qu'est la pornographie. José Benacerraf. Je suis tellement en désaccord avec ce qui se dit ici que j'ai l'impression d'être dans une autre planète. Alors c'est pour ça que, ou bien je vais être très véhément et ça m'ennuierait, ou bien je préfère ne pas... Je crois que j'ai à peu près tout dit. Je crois que Nelly a 100 fois raison de dire « Mes enfants, au nom de quoi vous jugez ?» Et comment pouvez-vous dire et interdire la vulgarité ? La vulgarité, c'est une expression. Il se trouve que, si vous voulez, dans l'expression artistique, il y a des choses de qualité, des choses vulgaires. Bien sûr que vous dites, c'est une tautologie. Bien sûr, je n'aime pas les choses vulgaires, mais j'aime les choses de qualité, pourvu que ça se passe bien et de qualité, pourvu surtout qu'il y ait des gros plans sur des braguettes, comme dirait l'Office catholique du cinéma. On est tous très contents. Il est, si vous voulez, il est évident que nous haïssons tous, et moi plus que quiconque, la vulgarité. Il est évident aussi que nous aimons la qualité. Laissez donc le public juger. Nous avons des auteurs médiocres, et Dieu sait qu'on pourrait les en faire de longues listes. Ils s'expriment, ils se vantent. Comment voulez-vous leur interdire l'expression ? C'est difficile. Alors, il y a des gens vulgaires, il y a des gens d'expression vulgaire, il y a des gens dont la syntaxe ou la pensée est vulgaire, et il y a des gens dont la pensée est raffinée et qu'on l'aime. Vous voyez ce que je veux dire ? Où l'on retrouve les jeunes et sages invités de Madame Inter. Cette fois, on aborde le problème du mariage en 1969. Le mariage, j'aimerais savoir ce que ça représente pour vous. Est-ce que c'est un aboutissement heureux ? C'est un aboutissement normal ? Ou c'est un aboutissement inévitable ? Je pose la question aux toutes jeunes. Corinne ? Je pense que ça n'a aucune valeur, le mariage. Ah bon ? Ah oui. À 14 ans, vous dites oui, ça, dites-moi. Ans. Pourquoi ça ? Je pense... Ça ne vous semble pas être la forme la plus parfaite de la vie ? Non, pas du tout. Parce que je ne crois pas au mariage idéal. Catherine, 15 ans. Pour moi, le mariage n'est pas un aboutissement dans son apparence officielle. C'est-à-dire le nom en bas du papier, quoi. Mais symboliquement, je crois qu'on pourra... difficilement s'en défaire. Parce que... c'est une obligation pour le mari et la femme de prendre ses responsabilités l'un envers l'autre. Bien sûr, moi, je souhaiterais que l'on puisse se passer du mariage. Parce que pour moi, justement, si on arrive à vivre seul, à deux, sans s'être obligé de suivre ce qu'on a promis au début, ça serait l'idéal. Mais je crois que c'est quand même plus ou moins obligatoire. Vous aviez 15 ans, Sophie, je le rappelle. Françoise, vous en avez 19. Que oui. Pensez-vous du mariage? Est-ce un aboutissement heureux, inévitable ou normal? Non, moi, c'est un acte administratif. Ah bon? C'est très bien, c'est uniquement pour donner à nos enfants, pour ne pas avoir d'ennui lorsqu'on va dans un hôtel, pour acheter un appartement. Enfin, à part ça, c'est pas parce qu'on a une bague au doigt qu'on est plus heureux. Et pour moi, c'est absolument rien. Madeleine? Moi, je suis tout à fait contre le mariage. Eh bien, dis-toi. Parce que je pense qu'on peut vivre en étant libre. Moi, je suis personnellement très libre. Je ne veux aucune attache. Et quand on est marié, on est forcément obligé de suivre son mari ou de, oui. Un petit peu de s'effacer un peu de temps en temps. Je ne dis pas qu'on s'efface tout le temps, parce que moi, le jour, si un jour je me marie, je me considérerais vraiment comme l'égale de mon mari, à certains points de vue. Mais de toute façon, je suis contre le mariage, parce que j'estime qu'on peut vivre très heureux à deux, sans forcément avoir la bague au doigt, comme dit Françoise. Oui. Le mariage, en fait, c'est une question encore morale. Quand on a des enfants, il faut être marié, mais sans ça, je ne vois vraiment pas l'utilité de se marier. Laure. Bien, quand on analyse froidement, évidemment, lucidement, c'est évident que ça paraît une simple contrainte sociale, mais malgré tout, je suis terriblement pour. Les garçons, maintenant. Roland. Moi, je suis très étonné de toutes ces réponses sur le mariage, en particulier de cette des filles, où il me semble que le mariage peut être un aboutissement, il me semble que la liberté sexuelle peut permettre de rechercher l'amour et le mariage de le confirmer. Et si ça ne marche pas, je suis pour le divorce aussi. Mais enfin, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais si, parce que le mariage a tout de même des avantages matériels. C'est que les enfants ont un nom. En plus de ça, de toute façon, la société existe. Il faut bien vivre avec des gens qui n'accepteront pas de recevoir des gens qui ne sont pas mariés. Et tout cela, ça existe. En plus de ça, c'est une valeur de symbole tout de même. On peut se marier à 40 ans, à 50 ans si on veut. Mais non, mais c'est vrai. On peut rechercher jusqu'à ce qu'on trouve. Je ne trouve pas qu'il faille en faire un but. Oui, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord, mais vous avez l'air de dire que vraiment... Parce qu'on a 19 ans et on est jeune, alors on n'a pas envie, mais plutôt... Ah, mais on vous demande pas de vous marier maintenant non plus. On vous demande si vous êtes pour ou contre le mariage. Tout sujet d'actualité génère sa parodie. Pour l'érotisme, c'est le film Erotissimo avec Jean-Yann, Francis Blanche et Annie Girardot. Film chroniqué dans Cinéma Vérité le 1er février 1969 sur France Culture. Le film français dont on a beaucoup parlé pendant ces dernières semaines, c'est donc Erotissimo. C'est à la fois une comédie, une bouffonnerie, une farce, dont le propos est de démystifier les gogos qui se laissent intoxiquer par la publicité outrancière. De dénoncer aussi le déferlement d'érotisme qui balaie ladite publicité, la presse, le cinéma et l'art de l'affiche. Nicole de Buron, auteur du sujet, et Gérard Pires, le metteur en scène, ont beau jeu. L'érotisme, c'est la psychose des psychiatres. Oh, écoute, j'en ai rencontré un jour, il était complètement dingue. Tous les objets pour lui, c'était des objets érotiques. Oh, le mixeur, le batteur à œuf, et puis tout ça. C'est vrai que c'est érotique, un fouet à œuf. Ah, pourquoi? Ça peut pas s'expliquer. Elle est folle. Elle est folle. Pour moi, l'érotisme, c'est... ou vice-versa. La femme peut sceller un investissement secondaire sexuel narcissique du corps parce qu'il se voit à distance et qu'il est très apprécié des mâles concupiscents tenus à distance. Par mâles concupiscents, j'ai rien compris. Oh, voyons, ma chérie, c'est toute la base de la grande révolution historique de la femme. La femme, écoute, c'est un phénomène irréversible que le courant libidinal féminin se libère de plus en plus de la dialectique phallique. Mais ma chérie, tu confonds sexy et érotique. L'érotisme, c'est là. « France Culture, en partenariat avec l'INA, les années 60, aujourd'hui 1969. Rassurez-vous, en 1969, on ne pense pas qu'au sexe, ou plutôt une année n'est pas uniforme. Il reste des plaisirs sains, le théâtre de boulevard par exemple, relayé par la télévision. Ainsi, une pièce de Robert Thomas, Le deuxième coup de feu, dans la distribution, en plus de Simone Valère et Jean de Sailly, on trouve Raymond Souplex, adoré des téléspectateurs depuis des années pour ses enquêtes résolues au cours des cinq dernières minutes. Là, il n'est pas commissaire, mais simple détective. La vie à Paris, magazine des spectacles, en rend compte. Et voici La vie à Paris, un magazine de Claude Archambault. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses d'une émission de télévision de Pierre Sabag au théâtre ce soir. Premier spectateur en coulisses, un monsieur qui s'appelle, je crois, Claude Chabrol. Ben oui, pas de doute. Le hasard fait bien les choses. Pourquoi êtes-vous là cet après-midi? Je suis un grand copain de Robert Thomas. On se connaît depuis très longtemps. Et on se fait nos premières. Ah! Et là, c'est une première pour lui. Oui, c'est presque une première. Enfin, là... Aimez-vous le théâtre télévisé? Oui, moi j'aime bien. J'en ai parlé avec Sabag, j'aime bien le principe du théâtre ce soir parce que je trouve que, comme la télévision, il y a quand même un gros pourcentage de gens qui sont de province, des trucs comme ça. Ils ont l'impression, pour une fois, d'aller au théâtre. Et je trouve très bien le principe des annonces à la fin parce que ça fait général. Là, ça, voilà. Ils ont l'impression d'assister à une générale en plus. Je vous souhaite une très bonne fin en fac. Monsieur, est-ce que c'est la première fois que vous venez à l'enregistrement au théâtre ce soir? Oui, c'est la première fois, oui. Est-ce parce que c'est un enregistrement ou bien est-ce par plaisir de voir une pièce policière? Oh, c'est pour le plaisir de venir au théâtre, aussi parce que j'ai eu l'occasion de venir gratuitement. On m'a offert de venir ici. Pour vous, c'est important de venir gratuitement? Non, pas très, mais c'est agréable d'aller au théâtre surtout. Est-ce que vous êtes un habitué du théâtre? Est-ce que vous y allez souvent? Oui, j'y vais assez souvent, oui. Vous regrettez peut-être que les places soient un peu chères pour un jeune homme? Non, ben, vu que l'on paye généralement le théâtre. Et là, cette fois-ci, j'en ai vraiment profité. Quelles sont les pièces que vous aimez voir? Généralement, je vais à la Comédie Française, alors je vois du classique. Je n'ai jamais vu de pièces policières. Donc aujourd'hui, c'est votre baptême de théâtre dit de boulevard? C'est cela, oui, madame, oui. Est-ce que vous aimez? J'aime, oui, d'après ce que j'ai vu au premier acte, je trouve ça très bien, oui. Et vos parents vous ont donné l'autorisation? Facilement? Oui, sans problème, absolument. Madame, est-ce la première fois que vous venez à l'enregistrement d'une pièce? Ah non, ça fait plusieurs fois déjà. Vous êtes une habituée alors? Oui. Et pourquoi venez-vous? Puisque vous savez que vous verrez cette pièce à la télévision. Oui, parce que c'est toujours agréable, l'ambiance est très bonne et c'est une sortie très agréable pour moi. Lorsque vous avez assisté à l'enregistrement de la pièce, vous la regardez à la télévision? Oui. Oui, oui. Et si c'est un spectacle qui est joué à Paris, est-ce que vous allez voir ce spectacle? J'ai pas trop le temps, j'ai une famille assez nombreuse et c'est une fois par semaine, je me permets cette petite fantaisie. J'espère que ma femme ne s'est pas doutée qu'elle était suivie. Oh, ben monsieur, regardez-moi. Est-ce qu'on me remarque? Non, je suis anonyme. Je suis tellement anonyme et impersonnel que lorsqu'il m'arrive de me voir dans une glace d'un magasin, je ne me reconnais pas. Alors, c'est vous dire. Non, c'est une sorte d'invisibilité, un don. Précieux, hein? Oui, pour le travail, c'est magnifique, mais pour la vie privée, c'est un handicap. Tenez, voici votre semaine. Ah, merci beaucoup. Alors, je suppose donc que je peux rentrer à Paris maintenant. Non, justement pas. Non, je maintiens ma décision de tendre un piège à ma femme. Dans une heure, je fais un faux départ volontaire. Alors, pendant mon absence, vous surveillerez la maison. Bon. Moi, je vais me déguiser en pêcheur à la ligne. Tiens, votre attitude vous jouera un mauvais tour. Pourquoi donc? Mais parce que votre femme est honnête. Vous savez, moi, j'ai pas intérêt à vous dire ça, vu que plus je monte la garde, plus vous me payez. Mais je vous le dis quand même. Non, votre femme ne mérite pas vos soupçons. Ça se voit, ça. Ça se voit à quoi? Ça se voit à rien. Elle fait rien. Elle parle à personne, elle met pas de lettres à la boîte, elle appelle pas des cabines publiques. Oui, alors... justement, quand je serai absent, elle pourra téléphoner tranquillement d'ici. Venez voir. Oui. Pouvez-vous brancher une écoute? Ah non. Non, ça c'est pas légal. Seule la police officielle peut faire quelque chose de pas légal. Ah ah, la police légale, elle, peut agir illégalement. Le public de théâtre ce soir s'en amuse, mais peut-être s'en offusque. Décidément en France, tout change. On va donc au théâtre et la radio rend compte de l'actualité de tous les spectacles. L'émission La vie à Paris propose en ce 4 février 1969 une rencontre avec Adamo. Adamo, direz-vous, on l'a déjà entendu les autres années de cette série, quand bien même. Écoutez cet entretien et tout d'abord cette chanson où il est question, nous sommes en 1969, rappelons-le, même s'il ne faut jamais insister sur les effets, de deux gratte-ciel au destin tragique aux États-Unis. C'est Adamo, quel visionnaire. Un jour de gratte-ciel, ne sachant pas que faire, un jour de gratte-ciel, ont joué à la guerre. Ils ont joué si bien qu'ils oublièrent de rire. Ils ont joué si bien qu'on aurait bien pu dire qu'il ne leur manquait plus que l'un de soi noir de peau, le jaune étant exclu. C'eût été bien trop beau qu'il ne leur manquait plus que ces détails infimes pour qu'entre les deux têtus se creusât un abîme. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Il y eut la mort, il y eut la gloire, il y eut le plus fort, il y eut la victoire, il y eut le moment suprême et démentiel, il y eut le moment où l'on défie le ciel. Le nez au firmament, les gratte-ciel exultent, et le ciel patiemment ignore les insultes. Vient l'heure où dans le ciel la vérité se dévoile et vient noyer les gratte-ciel sous une pluie d'étoiles. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Alors les gratte-ciel se sont fait tout petits, alors les gratte-ciel ont sorti leur whisky. Et ils ont tant vu qu'ils ont tout oublié, et ils ont tant vu qu'ils se sont écroulés. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Les gratte-ciel grattent le sol, ça sent le miel, ça sent l'alcool. Les gratte-ciel crachent leur sang, crachent leur fiel, crachent leur dent. Crachent leur or et leur argent, le sang des morts et des vivants. Les gratte-ciel crachent leur corps, les gratte-ciel sont ivres morts. Alors qu'ils ont vu la couleur de la gloire, alors ils ont su le secret des victoires, alors ils ont vu le soleil du néant, alors ils ont vu comme un grand trou béant, et ils se sont pendus. Yeah, yeah, yeah, yeah. Adamo, vous ne pouvez pas vivre sans projet. Qu'est-ce que vous avez derrière la tête en ce moment? Pas de film? Si, avec Serge Corbert. Oui, de toute façon, je vais tourner avec Serge Corbert, mais on cherche le scénario. On s'est lancé dans diverses aventures et finalement, c'est tombé à l'eau. On en a beaucoup parlé dans la presse. Les algues bleues. Mais la vraie raison, c'est que, bon, je vais être honnête, c'est que les producteurs ont trouvé que le thème n'était pas commercial. Ah. Oui. C'était une histoire trop poétique. Vous allez retrouver les mêmes problèmes que dans la chanson. Exactement, au début. Oui. Vous êtes poursuivi. Eh oui. Qu'est-ce que vous aimeriez tourner, vous? Les algues bleues. Non, j'aurais aimé tourner, par exemple, le personnage de Anaïf. Certains personnages de Pierre et Tex. Alors, dernier Truffaut, les baisers volés, j'aurais aimé tourner le rôle de Jean-Pierre Léo. Là. Et mis à part le cinéma, est-ce que vous n'avez pas l'intention de vous reposer un petit peu? Parce que je crois que ces deux dernières années, vous avez fait presque le tour du monde. J'ai vous êtes envie allé de Japon. Vivre un peu chez moi avec mes frères et sœurs, parce que ça me manque. De nouveau, je sens que, pas qu'il m'échappe, mais enfin, chaque fois que je rentre chez moi, je les trouve changés. Et c'est très triste. Et vous aussi, vous êtes changé aussi quand vous rentrez. Mais moi, j'ai acquis un physique qui restera plus ou moins le même pendant quelques années encore. Mais ma sœur qui a 9 ans, quand je rentre 2 mois après, elle n'est pas totalement différente. Mais enfin, il y a des traits qui changent. Et vous vous sentez chef de famille? Oui. Votre secret, Adamo? Mon secret? Secret de votre réussite? J'ai pas de secret. Pas de secret? Non. Ténacité, volonté? Oui, peut-être. Persévérance. J'ai eu des moments durs et ma grande chance, c'était mon père. Je crois que c'est là mon secret, oui. La famille? Peut-être. Ce qui manque très souvent à certains chanteurs, qui justement font tout pour sortir du milieu familial très rapidement. Moi, j'avais aucune raison de le faire. Et puis, je rentre en Belgique chaque fois que je peux parce que c'est le pays qui m'a adopté, que j'aime l'ambiance brumeuse du Nord et tout. Et quand je suis très loin, je dis que je rentre pour respirer une bouffée d'air belge. Et ça m'aide beaucoup. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus wore, oh, when he wore, when Jesus wore, wash our sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. France Culture, en partenariat avec l'INA, les années 60. Aujourd'hui, 1969, première émission. Ils vont marcher sur la Lune, certes. En attendant, d'autres vont voler en Concorde. Première apparition publique. Le journal Parler nous demande l'antenne pour le décollage du Concorde. Eh bien, Valette. Oui. Eh bien, Concorde maintenant a roulé. Concorde s'est dirigé très lentement vers la piste de décollage. On a procédé à un dernier contrôle des freins. C'est un très bel oiseau qui est devant nous à quelques 500 mètres, un oiseau tout blanc, rayé de bleu et de rouge. Et Concorde, dans quelques instants, va s'élancer sur la piste de Toulouse-Blagnac. Donc, je vous disais qu'il s'en éloignera, il fera une approche fictive du terrain dans quelques 30 minutes. Il s'en éloignera à nouveau pour revenir s'y poser un peu après. Vous entendez peut-être maintenant les réacteurs de Concorde. Concorde qui est sur le point de partir, le nez toujours baissé. Je vous ai dit tout à l'heure que jamais Concorde ne relèverait son nez, ou plutôt jamais le pilote André Turca ne relèverait le nez de Concorde, afin que Concorde n'aille pas trop vite. Il n'a pas le droit de dépasser pour ce premier essai la vitesse de 500 km à l'heure. Concorde est toujours en bout de piste. Vous entendez ses réacteurs. Je crois que maintenant, c'est une question de minutes. Voilà, Concorde a bougé. Concorde s'élance sur la piste. Vous entendez ces réacteurs qui donnent maintenant toute leur puissance. Et je vais passer l'antenne à Roger Surjus pour le décollage en direct. Nous ne voyons pas encore Concorde arriver en bout de piste et tout le monde est pensé, la tension monte de plus en plus à la fermette car c'est devant nos yeux que Concorde va vraiment s'élever. Le voici d'ailleurs, il est maintenant à 150 nœuds, il est parti Concorde s'est envolé. Voilà, Concorde s'est envolé et je vous rappelle... Plus rapidement qu'on aurait pu le penser, il a maintenant plus de 200, 300 et même 400 mètres d'altitude. Il passe sur Cornebarieux qui est tout en bout de piste de Toulouse-Blagnac là-bas. Ses réacteurs vont très fort, vous l'avez entendu. Et c'est parti, Concorde s'est fort belle et bien envolé. Vraiment, tout le monde a été surpris par son arrivée très rapide. Il a levé sa roulette avant, à peu près devant la borne des 1000 mètres, comme c'était prévu, et devant celle des 2000 mètres sur la piste de Toulouse-Blagnac. Il a quitté le sol, et maintenant nous le voyons qui disparaît tout au loin, là-bas, au-dessus de Cornebarieux. Il va s'éloigner maintenant pendant quelques dizaines de kilomètres et revenir dans quelques instants pour faire un passage d'approche de la piste de Toulouse-Blagnac, passage fictif toutefois, je le présume. Ce premier vol, non seulement nous y pensions depuis longtemps, mais nous l'avons répété de nombreuses fois, tant dans notre simulateur ici à Blagnac, que sur un Mirage 4 qui avait été mis à notre disposition, que sur un Boeing 707. Donc ce circuit de vol, nous le connaissions bien. Alors maintenant, c'est pour nous, ce premier vol n'est pas un achèvement, un accomplissement, c'est au contraire le départ de notre nouveau travail et de la mise au point de cette machine qui nous demandera encore beaucoup d'efforts, hein, avec certainement beaucoup de difficultés. Il n'est pas pensable qu'un avion de ce programme et de cette complexité ne nous donne pas des soucis, c'est le lot normal de notre travail. Et nous avons devant nous des mois et des années pour cette mise au point avant de vous le livrer et avant qu'on puisse annoncer, comme il y a un instant, que les passagers sont conviés à prendre place à bord. Voilà, vous avez pu donc entendre les premiers mots, les premières impressions du pilote de Concorde 001, les impressions d'André Turca. Le Concorde en 1969, c'est l'avenir. Et sur la terre ferme. En France, les villes de banlieue se transforment et les campagnes se dépeuplent. Indicatif futur. Regard sur le monde à venir. Une émission de Claude Dupont avec Dominique Rémy. Aujourd'hui, l'avenir des villes dans la banlieue future avec la participation de messieurs Paul-Henri Chombard-Delot, sociologue, directeur du Centre de recherche en sciences humaines au CNRS, Claude Neuchandet, résident à Sarcelles, Jacques Allégret, urbaniste. Voici monsieur Neuchvander. Il est pour ouvrir ce débat quelque peu pessimiste. Est-ce parce qu'il est résident à Sarcelles ? Sarcelles, cet archétype des grands ensembles, cette première grande expérience d'une ville de banlieue construite de toutes pièces. Monsieur Neuchvander anime le petit groupement des quelques habitants de Sarcelles qui veulent prendre en main le destin de leur immense résidence. La ville de banlieue moderne, il la connaît, il est confronté chaque jour avec les problèmes de tous ordres qu'elle peut poser et auxquels on apporte rarement des solutions. Et la banlieue aujourd'hui, c'est un ensemble assez incohérent et disparate de pavillons individuels, d'immeubles collectifs, de grands ensembles. Et dans 25 ans, c'est-à-dire au terme de l'avenir que l'on peut imaginer dès à présent, ce sera encore un ensemble incohérent et disparate de pavillons, d'immeubles et de zones collectives. Autrement dit, il y a une immense continuité entre la banlieue de maintenant et la banlieue de l'avenir, et les problèmes que l'on connaît dans la banlieue de maintenant, problèmes de transport, problèmes d'emploi, problèmes de commerce et problèmes de la vie quotidienne, on les retrouvera aussi, très probablement, dans 20 ans ou dans 25 ans. La seule différence, c'est dans les proportions qui auront changé entre l'habitat individuel et l'habitat collectif. La seule différence, c'est que, en fonction des efforts qui seront faits aujourd'hui au niveau des équipements, eh bien, la vie quotidienne aura vu soit diminuer, soit s'accroître les problèmes qui pèsent aujourd'hui sur la vie quotidienne des individus. Voici pour les banlieues. Si elles deviennent surpeuplées, c'est sans doute que les campagnes se dépeuplent. Principe des vases communicants. En duplex avec différentes régions de France, l'émission Un dimanche à la campagne en témoigne. Jusqu'à environ 25 ans, ils ne se sont pas tellement posé le problème. Et c'est à partir de 25-26 ans qu'ils se sont rappelés qu'il fallait peut-être songer à prendre une femme. Et lorsqu'ils se sont posé le problème, eh bien, la plupart des filles étaient déjà parties. Pourquoi partent-elles en ville ? Eh bien, d'abord, certainement, sont-elles attirées par la vie de la ville, par les loisirs plus nombreux en ville, le salaire, la rémunération plus intéressante, et aussi, ne veulent-elles plus rester dans la campagne parce que le travail y est dur, parce qu'elles songent à se marier, elles, à 20 ans, et que les garçons, eux, n'y ont pas déjà songé. Elles ont peur de se marier dans une ferme où il y a déjà des beaux-parents, vieux, qui ne comprendront pas le problème de l'éducation des enfants. Elles ont peur de la cohabitation. De la cohabitation, oui. Oui, c'est un problème important parce que les fermes sont en général relativement petites et les revenus ne sont pas assez suffisants pour faire vivre deux familles sur deux appartements. Et bien sûr, les querelles de génération n'arrangent pas non plus la situation. Vous voyez, Roger Lamy, le problème ? Bien sûr, je me demande s'il se pose également de la même façon en Touraine, par exemple. Est-ce que les filles et les garçons ont les mêmes craintes ? Et puis nous demanderons aussi à Michel Denisot. Eh bien, je crois qu'en effet, Roger Lamy, on a les mêmes craintes, n'est-ce pas, Pierre ? Elles partent parce que, à cause du salaire aussi, et à cause du travail, je pense. Mais surtout, c'est le dégoût de la ferme parce que... Surtout les fermes où il reste des animaux. Ça tient la femme à la maison beaucoup plus que l'homme. Alors, à la ville, bien sûr, elles sont libres. Elles ont soit le samedi ou un jour autre en semaine. Elles ont le dimanche, toute la journée. Mais je ne sais pas si Lysiane a quand même l'intention d'abandonner ses vaches. Moi, je ne crois pas. Ah non, non. Non, voyez, justement, elle veut faire une exception à la règle. Elle veut se marier, au contraire. Là, vous avez intérêt à vous marier, car je sais qu'en Corrèze, il paraît qu'il y aura un impôt sur les vieilles filles pour lutter contre la dépopulation. C'est en Creuse, plus exactement, où l'association des maires du département a souhaité qu'un impôt supplémentaire soit mis pour les jeunes filles qui sont célibataires de 18 à 75 ans. Oh, je crois que la durée est un peu sévère. Hein. Ça réjouit d'ailleurs mon interlocuteur, M. Mazot, qui est célibataire, donc qui a 46 ans, et qui est pour lequel les raisons de ce célibat sont un peu les mêmes qu'en Touraine. Oui, les exploitations par chez nous sont, peut-être comme partout ailleurs, un peu trop petites, et alors on ne peut pas vivre décemment en ménage, quoi. Tout début de la prochaine émission, la suite de ce Tour de France des agriculteurs. C'était les années 60, aujourd'hui 1969, première émission. Document Ina Véronique Jolivet, Amélie Briand-Lejeune, Hervé Evano. Mixage Olivier Dupré, réalisation Annie Doël, une émission de Philippe Garbi. À suivre, et d'ici là, à télécharger, ainsi que les précédents rendez-vous de la série, sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.